French in action. Lesson 5. Leçon 5. Famille. Une salle de cours, un professeur, des étudiants. Continuons l'invention de l'histoire. D'abord, il faut donner un prénom aux jeunes gens. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est élémentaire, parce que tout le monde a un prénom. Moi, j'ai un prénom. Vous, vous avez un prénom. C'est quoi votre prénom ? Michael. Eh bien, vous voyez, il a un prénom. Vous aussi, vous avez un prénom. C'est quoi votre prénom ? Julia. Elle aussi, elle a un prénom. Tout le monde a un prénom. Moi, elle, lui. Mais les jeunes gens de l'histoire n'ont pas de prénom. Ça ne va pas. C'est pas possible. Alors, donnons un prénom aux jeunes gens. Parce que ce n'est pas facile de raconter une histoire sans prénom. Voyons, la jeune fille d'abord. Ça va être quoi son prénom ? Ethel. Oh, non, c'est un joli prénom, mais c'est un prénom américain et la jeune fille est française. Il faut un prénom français. Écoutez, le prénom de la jeune fille va être Mireille. Pourquoi ? Parce que c'est un joli prénom. Hein ? Mireille, c'est joli. Et puis, ce n'est pas facile à prononcer. Tenez, essayez, dites Mireille. Allez-y, allez-y. Mireille. Vous voyez, ce n'est pas facile. Le prénom du jeune homme va être Robert. Non, pas de discussion. C'est décidé. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est un prénom à la fois français et américain. C'est un prénom français. Et c'est aussi un prénom américain. Et puis, il n'est pas facile à prononcer non plus. Bon, maintenant, les deux jeunes gens de l'histoire ont un prénom. Le prénom de la jeune fille est Ethel. Non, ce n'est pas Ethel, c'est Mireille. Bon, Mireille, si vous voulez. Et le prénom du jeune homme est Robert. Non, Robert. Maintenant, il faut donner une famille aux jeunes gens. D'abord, à la jeune fille. La famille de Mireille n'est pas pauvre, mais elle n'est pas riche non plus. C'est une famille aisée. Est-ce que Mireille va avoir une mère ? Oui ! Est-ce qu'elle va avoir un père ? Oui ! Bon, alors c'est entendu. Mireille a un père et une mère. Le père et la mère de Mireille travaillent tous les deux. Son père est ingénieur chez Renault et sa mère est chef de service au ministère de la Santé. Mireille a deux sœurs. Cécile est plus âgée, elle a 23 ans et elle est mariée. Marie-Laure est beaucoup plus jeune. Elle a 10 ans et elle n'est pas mariée, évidemment. Et maintenant, donnons aussi une famille à Robert. Les parents de Robert ont de l'argent. Ils sont même assez riches. Robert n'a pas de sœur. Il n'a pas de frère non plus. Il est fils unique. Ses parents sont divorcés. Son père n'est pas remarié, mais sa mère est remariée. Pauvre Robert. Fils unique, parents divorcés, mère remariée, il va peut-être avoir des complexes. Ah, très bien, j'adore ça. Parlons des complexes de Robert. Vous voulez parler des complexes de Robert ? Oui, parce que ça va être amusant. Et utile pour apprendre le français. Vous croyez ? Peut-être, mais pas aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps. Une autre fois.